Que nous c'est rata, femme nan yo c'est chata, c'est ça qui fait l'obligé marron. On pouvait que yo pas gain femme confiance, nous pas songer ça qu'on fait pour yo. Parce que nous c'est rata, femme nan yo c'est chata, c'est ça qui fait l'obligé marron. Personne toujours à surveiller. Voisinage, pape diou. Bon ami, ou pape diou. Ou pape, j'en connais. C'est ça qui fait n'a pas bon encore. Femme à l'équilibre, gagne un rendez-vous. Non, même personne toujours à surveiller. Voisinage, pape diou. Bon ami, ou pape diou. Ou pape, j'en connais. C'est ça qui fait n'a pas bon encore. Oui, c'est vrai. C'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. Garçon yo c'est rata, femme na yo c'est chata. Femme pas gué limita, qu'on nous wè on a pas traîné tout. Oui c'est vrai, c'est pas menti. C'est vérité, c'est pas menti, c'est vérité, c'est pas menti, c'est vérité. Garçon yo c'est rata, femme nan yo c'est chata, femme pa gen limite, kou nou wè on a pas entré nan trou. Oui c'est vrai, c'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. Garçon yo c'est rata, femme nan yo c'est chata. Femme pa gen limite, kou nou wè on a pas entré nan trou. Oui c'est vrai, c'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. C'est pas menti, c'est vérité. Thank you.